C'est le temps du dernier bloc de l'émission de cette semaine, le bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien. Et on commence avec un nouvel extrait proposé par Ariane-Marie Clemire de son excellent album « Je deviens le loup ». Elle nous propose tout simplement « Post-it », très bonne chanson qu'on va entendre dans quelques instants. Par la suite, on va entendre « Page blanche » de Audrey. Et j'essaie de comprendre, et je pense avoir compris. Sur ma page Facebook, vous avez un lien pour « Derek to Vinyl Live Session ». C'est une compagnie de disques du côté de New York qui enregistre des spectacles live comme ça. Et le spectacle est mis comme tel sur un vinyle. Vous pouvez aller faire un tour sur leestavall.com/collections/preorder. Leestavall, c'est leestavall.com. Et ça a l'air très intéressant. Donc, il y a Audrey qui va y participer le 25 juin prochain. Donc, à suivre, bien sûr. Et on va entendre la pièce « Page blanche ». Par la suite, on va entendre tout simplement « Le pantin » de Sophie Villeneuve. La charmante Sophie est en spectacle le 15 juin à Vancouver, le 23 juin à Whitehorse et à Haines Junction le 17 août prochain. On va entendre une excellente pièce de son album « Le chant du hibou ». Si vous n'avez pas mis la main là-dessus, allez-y, mettre la main là-dessus, sophievilleneuve.com. Et c'est vraiment très intéressant comme pièce, très énergique. Le pantin, ça s'en vient dans quelques instants. Mais pour l'instant, voici tout simplement une nouveauté de Ariane-Marie Clemire. Ça s'appelle « Post-it ». Je porte des post-it comme pyjama, des trous de mémoire comme galoche, mais jamais je n'oublierai nos conversations tachées de café, nos nuits aux lueurs de chandelles, le velours de ton toucher. J'extrais tes empreintes de la dentelle, de mes souvenirs, les embouteilles dans la cave, de mes trésors, de mes remords. Un stylo se balance sur le bord de manche, ton nom crépite sur le bout de ma langue. Ton nom dort dans le berceau de mes os. Ton nom dort dans le berceau de mes os. Je porte des post-it comme pyjama, des trous de mémoire comme galoche, un jeu d'échecs comme pantalon, le cœur de travers dans ma poche de veston. Une voix sort de mes semelles et m'arrache les talons. Tu étais le voyage, moi le vent, aussi au bord d'une falaise norvégienne. Nous avons perdu la tramontane, étouffée dans la fumée de nos gitanes. J'ai replié mes blessures dans la tapisserie de ma vie et j'ai repris mon chemin. Ton nom dort dans le berceau de mes os. Je porte des post-it comme pyjama, des trous de mémoire comme galoche, un jeu d'échecs comme pantalon, le cœur de travers dans ma poche de veston. Avec mes larmes. des trous de mémoire comme galoche, un jeu d'échecs comme pantalon, le cœur bien blotti dans ma poche de veston. Fous-moi dehors, je te donne toutes les raisons de le faire, ça me rendrait

route, j'entends la pluie, le ciel est gris et je redoute. Tu partes dans la nuit, mais tout va bien, le paradis. Quand tu m'écoutes, j'entends la pluie, le ciel est gris. Découverte que j'ai faite tout récemment du côté de Vancouver, Loïc Morin et Paradis de son album La Rivière, du pop assez intéressant avec de la substance, de la viande comme qu'on dit, vraiment des belles mélodies, très bon texte aussi, donc très très content de jouer ça. Et j'espère que le choix musical vous a plu, que vous avez peut-être fait des découvertes et que vous allez vérifier sur l'Internet les pages de ces artistes-là. C'est important de les encourager. Et c'est pour ça que Canrock existe. J'aimerais remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe, de la région de Barrie en Ontario. Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, CILS Victoria et CIVR Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. L'émission est aussi disponible via archive.org. Et petite parenthèse, ça a l'air qu'on travaille fort du côté de Falaire, Rivière-la-Paix, pour repartir la radio communautaire. Bon courage, lâchez pas, et j'espère que ça va fonctionner de ce côté-là. Commentaires, suggestions, même contact d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, vous m'envoyez ça à canrockcdn. @commercial.gmail.com. Le thème qui vient de commencer, j'ai 25 secondes pour vous dire une seule chose. Allez encourager vos artistes locaux, c'est important, ils ont besoin de votre support et vous risquez d'être séduit, ça c'est garanti. Sur ça, bonne semaine musicale, à la semaine prochaine pour une autre édition de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bye bye!